As-tu déjà entendu parler du livre que l'on appelle la Bible ? Ce livre est très important pour les chrétiens. Ils aiment l'ouvrir avec beaucoup de joie. La Bible raconte l'histoire d'un peuple, le peuple hébreu, qui découvre petit à petit qui est Dieu et qui apprend à l'écouter. Il raconte aussi la vie de Jésus, qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Et puis, il raconte enfin comment les premiers chrétiens ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Il y a donc plein d'histoires dans la Bible. Mais pour les chrétiens, le plus important, en ouvrant ce livre, c'est d'écouter ce que Dieu veut leur dire aujourd'hui. Parfois donc, les amis de Jésus prient avec la Bible dans leur maison. Mais souvent, ils prennent le temps de la lire ensemble. Quelqu'un ouvre la Bible et raconte un passage. Les autres écoutent. Souvent, ils partagent ce qu'ils comprennent et ce qu'ils ressentent. Et tous ensemble, ils confient à Dieu, « Seigneur, parle, nous voulons écouter la bonne nouvelle que tu veux nous dire aujourd'hui. » C'est pour cela qu'ils appellent la Bible la parole de Dieu. Dans ce livre, nous allons prendre le temps de découvrir la Bible, ce précieux trésor.